18. L'invitation au voyage. Il est un pays superbe, un pays de cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. Pays singulier, noyé dans les brumes de notre nord, et qu'on pourrait appeler l'Orient de l'Occident, la Chine de l'Europe. Tant la chaude et capricieuse fantaisie s'y est donnée carrière, tant elle l'a, patiemment et opiniâtrement, illustrée de ses savantes et délicates végétations. Un vrai pays de cocagne, où tout est beau, riche, tranquille, honnête, où le luxe a plaisir à se mirer dans l'ordre, où la vie est grasse et douce à respirer, d'où le désordre, la turbulence et l'imprévu sont exclus, où le bonheur est marié au silence, où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois, où tout vous ressemble, mon cher ange. Tu connais cette maladie fiévreuse qui s'empare de nous dans les froids des misères? Cette nostalgie du pays qu'on ignore, cette angoisse de la curiosité. Il est une contrée qui te ressemble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête, où la fantaisie a bâti et décoré une Chine occidentale, où la vie est douce à respirer, où le bonheur est marié au silence. C'est là qu'il faut aller vivre, c'est là qu'il faut aller mourir. Oui, c'est là qu'il faut aller respirer, rêver et allonger les heures, par l'infini des sensations. Un musicien a écrit l'invitation à la valse. Quel est celui qui composera l'invitation au voyage qu'on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d'élection? Oui, c'est dans cette atmosphère qu'il ferait bon vivre, là-bas, où les heures plus lentes contiennent plus de pensées, où les horloges sonnent le bonheur avec une plus profonde et plus significative solennité. Sur des panneaux luisants, ou sur des cuirs dorés et d'une richesse sombre, vivent discrètement des peintures, béates, calmes et profondes, comme les âmes des artistes qui les créèrent. Les soleils couchants, qui colorent si richement la salle à manger ou le salon, sont tamisés par de belles étoffes ou par ces hautes fenêtres ouvragées que le plomb divise en nombreux compartiments. Les meubles sont vastes, curieux, bizarres, armés de serrures et de secrets, comme des âmes raffinées. Les miroirs, les métaux, les étoffes, l'orfèvrerie et la faïence y jouent pour les yeux une symphonie muette et mystérieuse. Et de toutes choses, de tous les coins, des fissures des tiroirs et des plis des étoffes, s'échappe un parfum singulier, un « revenez-y » de Sumatra, qui est comme l'âme de l'appartement.